pour les forestiers, Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. On va parler avec Robert Duhaime. Il a été longtemps analyste collaborateur avec moi de patinage de vitesse sur courte piste, évidemment. Et, c'est une bombe qui est survenue vendredi dernier. Samuel Girard et Cassandra Baudette qui ont pris leur retraite. On en parle avec le directeur général de la Fédération québécoise de patinage de vitesse sur courte piste, Robert Duhaime. Bon matin, Robert. Bon matin. Robert, c'est une bombe qui est survenue vendredi passé. Écoute, ça fait mal. Hein? Ça fait mal pour l'équipe canadienne. Hein? C'est certain. On a deux athlètes. L'équipe canadienne perd deux athlètes de ses rangs et pas n'importe qui. Lorsqu'on pense à Samuel Girard, médaillé d'or, il n'en pleut pas des médaillés d'or olympiques individuels dans peu importe le sport. Et une retraite comme ça... À l'âge de 22 ans, ben, on peut se permettre de croire que c'est plusieurs années qui avait encore derrière lui, devant lui, pardon, qui aurait pu permettre d'excellents résultats pour le pays et le Québec également. Ça va lancer une réflexion. Moi, c'est un. Écoute, Samuel, il y a 22 ans, je ne t'ai pas dit. Moi, je pense qu'il est pas. C'est pas définitif d'après moi, il peut revenir sur sa décision, mais ça va lancer une grosse réflexion. Tu sais, on parle des jeunes, du millénium, des milléniums, ainsi de suite. Est-ce que, pensez-vous que il y a des choses à changer auprès de l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste? Parce que ça, c'est un blue chip, là. Vous venez de perdre un blue chip, vous venez de perdre votre Connor McDavid un petit peu du patinage de vitesse sur courte piste. C'était lui qui remplaçait Charles Hamelin. Là, vous ramassez devant un fait accompli. Est-ce que ça peut lancer une méchante réflexion? Ah, je pense que la réflexion est déjà lancée. Elle était déjà lancée, en tout cas, en ce qui a trait à la Fédération québécoise. Là, les choses se précipitent. Donc, la réflexion va s'accélérer. Il est évident qu'il faut s'adapter au fil des décennies, des années et des décennies au changement de société, d'une part. On est au Québec, et au Québec, je pense qu'on a une société qui démontre la souplesse en général. Et je pense qu'il est force d'admettre que la culture et l'approche des programmes nationaux à l'Aréna Maurice Richard, qui est le Centre national de patinage courte piste, et ses programmes affiliés, selon les commentaires qu'on entend, ben ce qu'on voit a peut-être à réévaluer l'approche à être réévaluée et peut-être démontrer un peu plus de souplesse. Mais voilà, c'est là qu'on en est. Nous, comme fédération provinciale, c'est sûr qu'on va pousser la réflexion plus loin et agir au terme de cette réflexion-là. Est-ce que il y a moyen, j'ai posé la question à Cassandra lundi, est-ce qu'il y a moyen pour un athlète de performer à un haut niveau tout en étant moins rigide? Parce que c'est pas 5, oui. Parce qu'on parle de 5-6 jours dans l'année là, qui auraient fait la différence. 5-6 jours, c'est pas assez pour baisser le niveau de compétition. Là. Non, ben je pense que effectivement qu'il y a moyen de faire autrement. Il faut s'entendre sur la façon de faire. Et je pense que la recette n'est pas unique pour l'ensemble d'une équipe ou d'un pays. Je pense qu'il faut, à ce niveau-là, individualiser l'approche davantage. On l'a fait cette année avec Kim Boutin qui a manqué les premières Coupes du Monde parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle avait pris un repos un peu plus long, etc., etc. Donc, je suis convaincu qu'il y a moyen de gagner sans presser le citron, qui est une bonne vieille expression, mais qui peut peut-être s'appliquer dans ce cas-ci, presser le citron au point de perdre des athlètes en plein dans le crunch de leur carrière. Là. OK. C'est quoi, les autres pays, ça ressemble à quoi? C'est sûr qu'il y a une différence de culture. Il y a un jeune qui vient de la Chine, qui vient des pays asiatiques. C'est des gens travaillants. C'est des gens qui travaillent beaucoup plus qu'au Québec et au Canada. Mais mettons les États-Unis, la France, les autres pays. Est-ce qu'on est moins rigide sur l'entraînement? qu'au Canada? Ben, je suis pas au fait de tous les détails de tous les pays, mais chose certaine, effectivement, les Asiatiques ont une culture différente. Je veux pas tous les mains dans le même dans le même plat, mais ce qu'on revoit, ce qui revient dans les pays asiatiques, puis parlons des pays du courte-piste principalement, les forces du courte-piste, Corée, Chine, Japon, il y a un élément qui revient, c'est le travail, c'est la discipline. Ils sont différents les trois, là, faut faire attention sur les détails, mais ça revient, c'est un élément commun. Je pense que leur société avec un S, là, leurs différentes sociétés de ces trois pays-là ne peut être appliquée au Québec et au Canada. On a une culture différente, c'est évident. Maintenant, l'Europe pourrait plus se ressembler. Les États-Unis, ce qui arrive, c'est que il faut savoir, les États-Unis, en patinage de vitesse, sont plutôt désorganisés. C'est plate à dire, mais c'est ça. On a plus de membres à la Fédération québécoise que sur les États-Unis au complet. Ça, c'est la réalité. On a un bon bassin de patineurs. Ils ont 2500 membres à US Speed Skating. Alors, difficile de faire des comparaisons. Le modèle américain est fragile en patinage et il se cherche beaucoup. Donc, j'ai un peu de difficulté à suivre. Mais chose certaine, il y a la plupart, plusieurs pays, de nombreux pays n'ont pas nos nombres et réussissent à bien faire, peut-être pas avec autant de profondeur que nous. Souvent, on va parler d'un pays, puis quand on commence à décortiquer, ben on s'aperçoit que c'est une athlète féminine très forte, puis peut-être un homme pas trop pire, puis après ça, il n'y a plus rien en dessous, mais quand même. Je sais, par exemple, que du côté masculin, les Hongrois sont très forts, on le sait, ils sont médaillés olympiques, champions olympiques au relais. C'est pas un gros pays en patinage courte piste, la Hongrie, en termes de nombre. Mais ils réussissent à le développer. Moi, je pense qu'il faut effectivement valider. Et Patinage de vitesse Canada et son équipe de haute performance, incluant les entraîneurs, sont bien plus au fait que nous, à la Fédération du Québec, des détails. Mais certainement que ça apporte un questionnement. Puis de voir, il y a certainement moyen de fonctionner autrement. Samuel Girard, je l'ai dit en début d'entrevue, ça fait très mal. C'était le Connor McDavid de votre équipe. C'était le gars sur qui vous comptez. Est-ce qu'il y aurait moyen, je vous dis ça de même, c'est sûr, vous êtes le directeur général de la Fédération québécoise, vous n'êtes pas le directeur général de la Fédération canadienne, mais vous avez quand même un certain pouvoir de décisionnel. J'imagine, vous avez votre mot à dire. Vous pensez que les gens seraient assez ouverts d'esprit pour peut-être changer puis peut-être le sauver? Le gars, il a 22 ans, là, il n'est pas à bout d'âge, il pourrait revenir, là. Ben, c'est sûr, c'est une décision personnelle et dans le cas de Samuel aussi de couple. Théoriquement, oui. Moi, je pense qu'il y a 22 ans. Là, on en a vu des retours. D'ailleurs, une petite parenthèse en fin de semaine à Saguenay, on avait notre congrès et assemblée annuelle et dans ce cadre, on avait un gala et on a nommé athlète de l'année en patinage longue piste un gars qui s'appelle Antoine Gélina Beaulieu. Okay. Antoine Gélina Beaulieu a terminé 9e au championnat du monde aux 1500 mètres en longue piste cette année. C'est un gars qui a arrêté pendant 5 ans de patiner. Il avait eu des problèmes de santé alors qu'il était à la fin de son cycle junior. Il avait à peu près 19 ans en 2011 et a disparu de la carte sportive pendant 5 ans, si c'est pas 6. Et le revoilà à son meilleur. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen de le sauver en étant moins rigide, puis en étant moins... C'est tout à fait possible. C'est sûr qu'il ne faut pas précipiter les choses. Puis au moment présent, une contre-attaque vive, ce serait peut-être pas la meilleure stratégie. Par contre, je pense que ça fait partie d'une longue liste de sujets à discuter. Nous, notre pouvoir comme fédération provinciale, c'est sûr que, premièrement, le centre national principal de la discipline est chez nous, au Québec. On y contribue. Également, notre pouvoir est de préparer, avec l'aide de nos partenaires, les clubs et les centres d'entraînement régionaux au Québec, c'est cette relève-là qui finit par être dans les mains de Patinage de vitesse Canada et de son centre national. Donc, on a un certain pouvoir... un certain poids dans les discussions. On veut pas faire la job de l'équipe nationale, loin de là, mais on peut certainement poser des questions et tenter de faire évoluer l'approche. Et c'est ce qu'on se propose de faire. C'est ce qu'on se proposait, annonce ou pas, d'ailleurs, parce que il y en a eu d'autres signaux dans les derniers mois et les dernières années. Prenons par exemple les sorties de Marianne Saint-Gelais récemment sur son après-carrière. Alors, ça fait partie de la même approche et de la même culture sur laquelle il faut réfléchir et possiblement changer. Chaque cas est individuel, mais nous, ce qu'on veut, c'est développer des champions, mais dans un contexte humain et dans un contexte où tout le monde se développe et dans toutes les sphères de la personne, pas juste dans la sphère du podium, mais également dans la sphère de l'éducation, dans la sphère sociale, dans la sphère... Donc, l'approche globale nous semble la plus gagnante, parce que si jamais l'athlète n'atteint pas le sommet, il se retrouve pas devant rien. On veut pas sacrifier des humains au profit du sport. Mmh. Et on est convaincus. On a des cas mondiaux dans différentes disciplines où les gens ont bien balancé les choses et ont gagné. Ben, regarde c'est le football. Le 100% football, des athlètes. C'est sûr que c'est pas le même contexte, puis c'est pas du tout le même sport, puis c'est pas, tu sais, mais le football, si tu réussis pas tes études, il y a pas de football. C'est pas la même affaire. Effectivement, mais il y a des sports qui ressemblent. Le patinage courte piste est un sport difficile, mais c'est pas le seul. Et il y en a des exemples de gens. Puis je veux pas prendre les exemples d'athlètes qui sont la marge, l'extrême total. Mais je veux dire, entre juste faire du patinage, pas d'avoir d'aspect d'entraînement de patinage, puis avoir à peu près zéro social, zéro capacité de rien faire au niveau scolaire, etc., et de tout diluer et de sacrifier à un moment donné la performance parce qu'on veut rien manquer, tout faire. Il y a toute la marge entre les deux, et c'est là-dedans, je pense, qu'il faut jouer. Évidemment qu'il faut prioriser le sport si on veut gagner dans le sport, parce que si ses adversaires le font, ça va être très difficile si on fait du sport à temps partiel. Mais c'est là qu'il y a tout le raffinement